Et première doublette dans l'aspect française, haut et court, une formation qui nous vient du Grand Est français, plus précisément de Strasbourg. On est sur un groupe de Death Grind qui sort là son troisième album en presque 10 ans d'existence. Un album assez court, 7 titres, qui nous fait un bon gros mix entre du death, du grind, du power violence et une base punk 10 bits. Voilà, fortement recommandé aux amateurs de grind à la sauce Nezum, Nails, Wormrot, Magro de Grind et autres Trapdem. Voilà, Oikour est en train de se tailler une sacrée belle réputation sur la scène extrême française. Et juste avant cette première nouveauté hexagonale, Ifernet, récente formation de black metal qui nous vient de Rouen, des gars qui tournent autour de la sphère de Sordide. Le groupe est actif depuis 2018, ils sortent là leur deuxième album studio. 6 titres, des morceaux qui font entre 5 et 8 minutes. Un BM inspiré à la fois des années 90, français et scandinave. C'est cru, c'est direct, et il y a cependant cette espèce de froideur mélancolique qui prennent le contretemps sur des mid-tempo ultra angoissants. Donc voilà, puis Ifernet, c'est vraiment du gros scream de désespoir et de colère. On s'écoutera le titre Waiting, extrait du nouvel effort studio Silences, et juste après ça, haut et court, Messianic Collapse, extrait de l'album Collapse. Yeah. On continue à dérouler l'aspect française avec une autre nouveauté. Epectase, rappelez-vous de cette formation qu'on vous a diffusée eh ben, il y a vraiment pas longtemps, parce que le groupe est plutôt prolifique. Hein. On est sur une formation francilienne, on est sur une grosse base black prog, avant-gardiste cependant. Et voilà, c'est leur second album studio. Le précédent, on a dû vous le diffuser en 2020 ou 2021. Le projet, c'est un one-man band mené par Titouan Le Gall, qu'on a pu croiser dans Phil Skult, Acedia Mundi et autres Ox Galliath. Là, dans Epectase, donc, il s'occupe de toute la partie instrumentale. Et il y a un vocaliste de session, j'avoue que j'ai plus l'info, qui l'accompagne. Un résultat très ambitieux musicalement, puisque très riche en termes de sonorité et d'ambiance. Hein. 4 titres pour 45 minutes, ça déroule très généreusement. Voilà, donc pour rappel, une base black prog avec plein d'éléments et d'influences, parfois moins extrêmes, qui nous offre un résultat travaillé, éclectique, avec cependant une cohérence tout du long. Encore un titre en version raccourcie, hein, le morceau fait une dizaine de minutes, donc là on en doit s'écouter à peu près 7. Voilà, encore une fois, on vous invite à écouter notre version podcast pour avoir le titre en entier, et surtout à écouter par vos propres moyens ce nouvel effort studio de Epectase. Et en doublette avec eux, nous aurons les vétérans du thrash jazz français No Return. Ils sortent là un 11e album studio, une trentaine d'années d'existence. Ça marque surtout le retour de ce qui était pour moi leur meilleur vocaliste, hein, même si j'ai adoré Moreno Grosso, je préfère quand même Steve Petit, voilà, qui donnait déjà de la voix sur Self Mutilation et Machinery au tout début des années 2000, fin 90. Voilà, de retour au bercail pour le père Zoul. Le titre de ce soir, Unscared, extrait donc de l'album Requiem. Et Epectase, une version raccourcie du morceau Confusion, extrait de l'album Necrose, une sortie sur le tout jeune et très bon label nantais, Frozen Records. C'est parti. Thank you. Et on va refermer tout de suite la porte de l'aspect française avec cependant une dernière nouveauté dans la doublette qui voilà va achever cette espèce française dans Hellbanger. Catalyst, donc une formation qui nous vient, c'est pareil du Grand Est, enfin c'est pareil par rapport à Wécourt, hein, ils nous viennent de Metz, on est sur du Tech Death, actif depuis 2016, ils sortent là leur second album studio. C'est plutôt bien rempli, 10 titres pour environ une heure de musique. On est sur un Tech Death presque typiquement français, puisqu'on a vraiment une sonorité Tech Death en France depuis quelques années. C'est brutal. On a cependant des grosses variations presque mélodes. Et ça nous donne un ensemble complexe, vraiment travaillé et toujours cohérent et agréable à suivre. Donc voilà, pareil, Catalyst, une récente formation qui fait pas semblant et qui s'annonce prometteur pour la suite. Et en doublette avec Catalyst, nous aurons les Grinders de Lyon, intitulé le groupe s'appelle RAN. Un trio qui sort donc son premier album via Lixiviat Records et plein d'autres labels, dont les Tchèques de Bizarre les Prousses. On est sur un mix donc Grind, Death et Punk 10 bits, 14 morceaux pour des compos qui font 1 à 2 minutes, c'est court, c'est grind, c'est parfait. Au niveau du line-up, on retrouve des icônes un peu connus quand même, des membres de Civilian Thrower, Love Gun ou encore Salo. Donc voilà, les présentations sont faites pour RAN, pour ceux qui seraient amenés à les découvrir ce soir dans l'émission. Catalyst, Paragon of Devastation, extrait de l'album Different Painting for a New World, une sortie Non-Serwayam Record. RAN ensuite, Night with the Sugar Helmet, extrait de l'album Atrabilar, et une sortie donc Lixiviat Records, +++. Yeah. Retour à la diff internationale et on s'approche tranquillement de la fin de l'émission Hellbanger de ce soir. On va bientôt se quitter sur les ondes du 93.6, sur les ondes de Radio Béton. Une doublette grassouillette et sombre, Acid Witch et une nouveauté Conquest. Allez, on va d'abord partir sur Acid Witch, le groupe de Psyché Doom Death américain, 15 ans d'existence, qui sort toujours ses albums autour d'Halloween. Quatrième effort studio, 5 ans après le précédent, recette toujours la même, un Doom Death bien lourdingue, bien baveux, bien crado, avec des claviers venus de nulle part, des années 50, du rock psyché, des ambiances horrifiques bien old school, et c'est aussi fun que c'est crado. Donc voilà, Acid Witch, vraiment un groupe très très agréable à s'écouter. Et ensuite, Conquest, formation de revival venue d'Italie. Ça dégouline l'ancien temps, les années 80, et les vieux mêmes Scorpion Sinizi pour la petite dose de hard rock. Le groupe est actif depuis 3 ans seulement, ils sortent là leur second album studio. On fait du neuf avec du vieux, ça reste tubesque et très très bien fait, et le groupe a sa petite touche d'inspiration pour le côté « ah bah tiens, c'est pas chiant ». Et c'est bien sûr très agréable à s'écouter également Conquest. Acid Witch, Tommy Rotters, extrait de l'album « Rot Among Us ». Conquest ensuite, « Time and Tyranny », extrait de l'album du même nom. Thank you. Avant-dernière doublette dans l'émission de ce soir, tout d'abord le grindcore venu d'Autriche-Allemagne de Implore, The Burden of Existence, c'est le nom de leur nouvel effort studio. On s'écoutera le titre Ultimate Freedom. Et en doublette avec Implore, l'avant-dernière doublette nouveauté de ce soir. Alors j'avoue, j'ai un peu de me craquer sur la prononciation, hein, Faetus, même si on a envie de prononcer ça, Faetus tout simplement, F-A-E-T-2-O-T-H. Voilà, un quatuor féminin qui nous vient de Los Angeles, actif depuis 3 ans. Après un premier EP, elle nous sort là un premier album longue durée. On est sur du Doom Atmo, presque Doom Gaze même, avec des alternances de vocaux clean assez éthérées en mode nappe, avec des alternances beaucoup plus rugueuses et dégoulinantes, assez proches de ce qu'un groupe de sludge pourrait nous proposer. Une musique planante tout autant qu'elle est écrasante, très riche dans les sonorités, et voilà, le rendu global reste lourd et massif au niveau du tempo. Voilà pour les présentations. Implore Ultimate Freedom, donc Faetus, le titre She Cast a Shadow, pardon, extrait de l'album Remnants of the Vessel. C'est parti. Thunder fills my ears. Et la doublette de clôture pour ce soir, tout en violence avec une toute dernière nouveauté. Tout d'abord Trinitas, un trio black venu à la fois d'Allemagne et de Suède, qui sort là un tout premier EP, après un premier EP en 2019, sort là un premier effort studio longue durée. Un petit all-star urban, donc entre les membres, pour rappel, venus d'Allemagne et de Suède, puisque nous avons tout d'abord le vocaliste Azathoth, l'un des fondateurs de Dark Fortress. Poste qu'il a occupé de 1994 à 2007, du guitariste-bassiste Verger, qui a passé plus de 20 ans dans Nagelfar, et le batteur Tormentor, bien évidemment actuel Asphyx, et qui était passé avant ça dans Sodom et autres Disaster, des vétérans de la scène extrême Trash Black, qui là se retrouvent pour un pur album de black metal sauce européenne, parce qu'on a des groupes qui viennent de différents horizons, des sources du black européen. C'est pas neuf, c'est fait avec confession, expérience et qualité. Il n'y a que la pochette qui est absolument à gerber. Cependant, grosse dose de kitsch. Et on se dit que ouais, le black metal en 2022 qui propose ce type de pochette, et c'est clairement pour bien remontrer que le black est une musique complètement hors du temps. Et en clôture de l'émission de ce soir, de nouveau un extrait de Guttural Engagement, le groupe de Slam Death Rickin, qui sort là son deuxième album studio. Il aura fallu qu'on attende 15 ans depuis le premier pour que Monsieur Mark Rawls puisse réunir enfin un nouveau line-up et s'atteler à l'écriture et à la sortie de ce second album. C'est bref, 9 titres pour 25 minutes. C'est ultra compact et ultra puissant, ce qu'on prend dans la tronche avec ce nouvel effort de Guttural Engagement. Trinitas, tout d'abord Rite of the Necromancer, l'album s'intitule Total Heresy, une sortie Van Records, ça faisait longtemps qu'on n'avait rien eu de ce label là. Et en clôture, Guttural Engorgement, As the Corpses Turns, extrait du nouvel et second album 33 in the Crawl Space, une sortie chez Brutal Mind. Sur ce, excellente fin d'écoute à toutes et à tous, excellente fin de soirée, et rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle émission en différé. Ciao ciao.